transition écologique, François de Rugy a reçu deux représentants du mouvement. À l'issue de la rencontre, ils ont appelé à poursuivre le mouvement en défilant à Paris samedi sur les Champs-Élysées. Autre appel à manifester à La Réunion. Les Gilets jaunes veulent bloquer l'île alors que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est attendue sur place ce matin. Hier, une quarantaine de routes étaient coupées sur l'île, un record depuis le début de la mobilisation il y a 11 jours. Un nouvel élément dans l'enquête sur la mort d'Alexia Daval. L'ADN de la mère du meurtrier présumé Jonathan Daval a été retrouvé dans le coffre de la voiture qui a servi à transporter le corps de la jeune femme. Les enquêteurs ont par ailleurs découvert que le suspect avait écrit sur son ordinateur un scénario précis de la disparition de son épouse. Demain, il sera de nouveau entendu par un juge. IKEA rappelle 45 000 tables défectueuses. Il s'agit du modèle extensible Glivarp, commercialisé début 2017, vendu au prix de 249 euros. 6 personnes ont été blessées à la suite de problèmes rencontrés avec la rallonge. À l'étranger, en Chine, au moins 22 personnes ont été tuées et 22 autres blessées cette nuit lors d'une explosion près d'une usine chimique. Ces dernières années, le pays a connu des accidents industriels en série. Les sports en foot, Lyon va encore devoir attendre. Et oui, hier, l'OL a fini sur un nul de partout face à Manchester City lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Lyonnais joueront donc leur qualification pour les 8e lors de la dernière journée. Ce sera le 12 décembre face au Shakhtar Donetsk. Le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus de Turin et les deux Manchester sont d'ores et déjà qualifiés. Ce soir, Monaco se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid à 18h55. Et puis à 21h, le Paris Saint-Germain recevra Liverpool au Parc des Princes. Neymar et Mbappé seront titulaires. Enfin, Bob l'éponge se retrouve orphelin ce matin. On a appris hier soir la mort du créateur du dessin animé. Stephen Hillenburg avait 57 ans. Son cartoon lancé en 99 a été diffusé dans plus de 150 pays. Il a aussi été adopté en cinéma. Un troisième film est prévu pour 2020. Ah, il a le droit à 5 minutes, Bob l'éponge. Oui. Quel homme. On l'aime. La météo, le temps restera perturbé sur la moitié nord du pays aujourd'hui avec un ciel couvert et des pluies faibles tout au long de la journée. Le vent continuera de souffler en rafale jusqu'à 70 km/h sur les côtes de la Manche et la pointe bretonne. Plus au sud, le ciel sera plus lumineux avec quand même quelques passages nuageux. Enfin, on attend de très belles éclaircies sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Les températures, elles sont plus douces. 4 degrés à Vittel ce matin, 6 à Montluçon et à Ramatuel, 8 à Amiens, 9 à Lacanau, 11 à Lille-Rousse et 12 à Vannes. Cet après-midi, on attend 7 degrés à Thionville, 11 à Dunkerque, 12 à Paris et au Mans, 14 à Montpellier et 15 à Cannes. Bon réveil avec le double expresso RTL 2, le son paproc. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I need somebody. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Shawn Mendes, In My Blood, dans le double expresso RTL de 6h05. Grégory Achère et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. Et bon début de journée, évidemment. On est mercredi aujourd'hui, c'est le 28 novembre. Bonjour à tous. Bonjour Justine. Bonjour Greg. Bonjour tout le monde. Bonjour la fine équipe. Bonjour. Et là, elle est fine cette équipe. Ils sont finaux. Je vous les présente quand même. Hein. Évidemment, il y a Jonathan Donnel. Tout en finesse. Bonjour. 6h55, 8h55, le top 3 de l'actu. Exactement. Et des petites vannes, même à la fin par-ci, de la Fox Expresso. Il aime ça. Il les écrit et tout. On s'éparpille. Bonjour à Jérémy qui est aux manettes. Salut l'équipe. Ça va bien? Tranquille. Bon, parfait. Bonjour à Max qui est aux réseaux sociaux. Salut les copains du matin. Et puis les filles, évidemment, Clara et Anna, bonjour. Bonjour. Bonjour Jules. Bonjour. L'amabilité. Voilà, notre coordinateur que vous connaissez un petit peu moins, car il fuit les feux de la rampe, il n'aime pas la lumière. Il est un peu grognon, on l'aime bien. On l'appelle la taupe. Il se cache. Fais pas ce bruit-là, une taupe. Non, je crois pas. Jérémy, toi qui as un grand jardin, fais pas ce bruit-là, la taupe. Je sais même pas le bruit que ça fait. Bah, ça fait pas de bruit, une taupe. C'était une blague. Bon, t'as bien dormi, t'as passé une bonne soirée. Oui, vous savez, j'ai regardé un téléfilm de Noël hier soir, bon, pour changer. Et il avait l'histoire. Bah, on a fait le tirage au sort des cadeaux de Noël, nous, dans l'équipe hier. Ah, je sais plus. Et ça avait la même histoire, mon téléfilm de Noël, sauf que l'héroïne rencontrait grand amour parce que la personne qui lui offrait le cadeau était un prince charmant. Bon, bah, moi, j'aurais pas dû poser la question, en fait. Merci Greg. Ah, j'ai fait la boulette là. J'ai fait la grosse boulette. J'ai demandé. Je t'ai juste demandé si ça allait en fait. Bah oui, bah, tu sais, j'ai toujours. Tu peux pas faire comme la population française, dire ça va. Jamais. Quoi. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est la note. Just a Girl sur RTL2. Bonjour. Take this pink ribbon off my sur RTL 2. Tiens, on va écouter Boulevard Désert prochainement, très rapidement même. Je

et qu'importe le temps, et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi? Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Pa-da-da, pa-da-da. Et c'est bien fait pour moi, oui c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parada, parada, parada, parada, parada, parada. Je me dis que toi aussi. Parada, parada. Sur rtl2.fr ou sur la page Facebook de la radio, vous y verrez le concert très très privé de Boulevard des Airs. L'info expresso RTL2. On y va pour la première info expresso du jour avec toi Justine et on va parler frigo. C'est quoi le... On parle frigo. J'ai trouvé ça sur lebonbon.fr. On parle surtout anti-gaspillage. Ah très bien. Si quand vous faites vos courses, vous achetez trop et vous savez plus quoi faire de vos plats qui vont bientôt se périmer, eh bien j'ai une solution pour vous et pour votre porte-monnaie et pour l'environnement. Ah très bien, triple utilité. Le site s'appelle pagachei.com. C'est rigolo le nom. Alors, je précise si Justine fait pagachei, c'est parce que l'orthographe est légèrement différente de ce qu'on entend, c'est ça? P-A-G-A-C-H-E-Y.com. Voilà. Petit jeu de mots, pas gâché. Voilà. C'est une carte interactive en fait où vous pouvez poster des petites annonces pour vendre ou pour acheter des produits alimentaires partout en France. Donc il vous suffit de mettre en vente vos produits bien sûr non consommés. Et les annonces restent éphémères de 1 à 3 jours. Bah oui, parce que sinon ça serait encore plus longtemps périmé. Bah oui, c'est pas le but. Hein. Donc ça laisse justement le temps aux vendeurs de trouver un acheteur. Alors si vous reste par exemple dans votre frigo là quelques yaourts, des bouteilles de jus d'orange, des boîtes de conserve que vous n'allez pas utiliser, vous pouvez les vendre à prix cassé, bien entendu. Alors, j'ai regardé le site, par exemple, vous trouvez une cagette de bananes pour 2 euros. J'ai aussi près de chez moi 2 bouteilles de Côte-du-Rhône pour 5 euros. Bah, tu es déjà chez toi. Tu as rapatrié la chose. Une pizza à 1 euro. Donc, vraiment, c'est intéressant. Je trouve ça. C'est de la solidarité en plus. Mais par contre, faut pas essayer de se faire de l'argent dessus, quoi. Le principe, c'est pas de survendre. Pepperoni, hyper bien, 15 euros. Bah, ça fait des petites économies aussi. Hein. Ouais, faites une petite boîte. Et moi, si vous voulez, j'ai un pâté Fleury Michon de 2013. Voilà, si t'as pas besoin de venir chercher, le truc se déplace tout seul. De toute façon, il est vert. On a dit pas périmé. C'est très bien cette histoire-là et c'est sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Watch out for earthquakes. c'est beau dans le double expresso RTL de This Picture. Il est 6h23, on y va pour l'horoscope. Allez, médaille de bronze avec les taureaux. N'attendez pas que les choses viennent à vous, faites le premier pas. Cancer. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Les lions. Vous avez besoin de prendre l'air, vous êtes à fleur de peau. Greg, on passe aux médailles d'argent avec les béliers. Bah oui, vous êtes né sous une bonne étoile, la chance vous sourit. Gémeaux. Toutes vos relations se déroulent sans encombre. Les vierges. Vous êtes quelqu'un de sincère, vos proches apprécient beaucoup cette qualité. Balance. Aujourd'hui, vous êtes en pleine forme, profitez-en. Les scorpions. Votre bonne humeur est communicative, un vrai rayon de soleil. Sagittaire. Vous vous appliquez beaucoup dans votre travail, vos efforts vont finir par payer. Les capricornes. Votre pouvoir de séduction sera votre atout de la semaine. Poisson. Vous êtes raisonnable, mais vous savez vous lâcher quand il le faut. Et médaille d'or. C'est parfait. Médaille d'or. J'étais très pressée pour les champions du jour qui sont... Les Verseaux, ultra dynamiques et volontaires. Rien ne vous arrête, alors foncez. 6h23. Chut. Je veux plus un bruit dans le studio. Vous mettez vos casques, vous montez le son très fort. Et vous profitez de Radiohead. Karmapolis, c'est seulement sur RTL2 et seulement dans le double expresso. police dans le double expresso RTL2 à 6h28. Mais quel chef-d'œuvre incroyable! Milo, IO Technology. C'est festival de chansons du jour. Et puis il y aura également le premier winner du jour. Attention, parce que si vous êtes du genre à avoir le vertige, t'as le vertige, Juju? Non, ça va. Le vertige, dès que vous montez sur une chaise, a priori, ça va. Notre prochain winner va vous angoisser. C'est un truc de malade mental. A tout de suite sur RTL2. Présente Hit The Road Trip America Z66 du 20 avril au 6 mai 2019. Pour cette nouvelle édition, Francis Degut vous fait découvrir avec lui la mythique Route 66. Traversez les États-Unis en partant de Chicago pour arriver à Santa Monica, Los Angeles. Un voyage unique en moto ou en voiture, en équipe avec Francis Degut. Hit The Road Trip America Z66, place limitée. Informations et tarifs sur rtl2america.fr. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est Réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons Réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultables sur le site. Allez, debout mon cœur. Non, papa, je suis crevée. Hier soir, j'ai encore regardé cette série, celle que j'ai pas le droit de voir. Il y a un enfant qui se fait couper la tête. On voyait tout, c'était horrible. Mais j'ai quand même tout regardé. Et ce soir, je continue. Mais tout ça, en vrai, je le dirai jamais. J'ai que 9 ans. Ce qu'ils regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr. Bon, ben, c'est ma femme qui m'avait dit chez Opel, ils apprennent tout ce qui roule 4 000 € pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, t'as mal compris. Elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4 000 € contre un truc qui roule, c'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre, elle est passée. Et en fait, c'est ma femme qui avait raison. Depuis, avec Mamour, c'est tendu. C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 novembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4 000 € minimum pour l'achat d'une Corsa neuve en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur opel.fr. 6h30, bienvenue dans le double expresso RTL de les infos, tout de suite avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Justine, bonjour à tous. Statu quo pour les gilets jaunes. Hier soir, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a reçu 2 représentants du mouvement et à l'issue de la rencontre, ils ont appelé à poursuivre le mouvement en défilant à Paris samedi sur les Champs-Élysées comme la semaine dernière. Autre appel à manifester à La Réunion, les gilets jaunes veulent bloquer totalement l'île alors que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est attendue sur place dans quelques instants. Hier, une quarantaine de routes étaient coupées, un record depuis le début de la mobilisation il y a 11 jours. Jean-Marie Le Pen fixé sur son sort dans la journée. Le cofondateur du Front National est poursuivi pour une série de propos homophobes. Le jugement sera rendu aujourd'hui. Le parquet de Paris a requis 8 000 € d'amende à son encontre. Il est soupçonné d'espionnage pour le compte de la Corée du Nord. Le haut fonctionnaire du Sénat a été suspendu provisoirement de ses fonctions. Le temps de l'enquête, il est suspecté d'avoir fourni des informations confidentielles à Pyongyang. Informations susceptibles de porter atteinte à la France. Il a été placé en garde à vue. La France qui va devoir rendre au Sénégal ses œuvres d'art, c'est en tout cas ce que réclame le ministre sénégalais de la Culture. La semaine dernière, déjà, Emmanuel Macron a promis de restituer 26 œuvres au Bénin. Elles avaient été volées par l'armée française en 1892. Le chef de l'État a commandé un rapport sur le patrimoine d'art africain. Toujours plus de tensions entre Kiev et Moscou. Le président ukrainien évoque la menace d'une guerre totale avec la Russie qui a capturé des navires ukrainiens en mer Noire. De son côté, Donald Trump menace d'annuler sa rencontre prévue en fin de semaine avec Vladimir Poutine au sommet du G20 en Argentine. On passe au sport et Lyon reste en course pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. L'OL a fait match nul 2-2 hier soir face à Manchester City. Pour se qualifier, il devra l'emporter ou bien finir aussi sur un nul. Ce sera dans 2 semaines face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus de Turin et les 2 Manchester sont d'ores et déjà qualifiés. Ce soir, Monaco se déplace sur la pelouse de l'Atlético. Le PSG reçoit Liverpool à 21h. La météo, le temps restera perturbé aujourd'hui sur la moitié nord du pays avec un ciel couvert et des pluies faibles tout au long de la journée. Le vent va continuer de souffler en rafale jusqu'à 70 km/h sur les côtes de la Manche et la pointe bretonne. Plus au sud, le ciel sera plus lumineux avec quand même quelques passages nuageux. Enfin, on attend de très belles éclaircies sur tout le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse. Les températures, il fait 4 degrés à Haguenau ce matin, 5 à Martigues, 7 à Mont-de-Marsan, 9 à Calais, Paris et Porto Vecchio et 12 à Guingamp. Cet après-midi, on attend 7 degrés à Vesoul, 8 à Lyon, 11 à Soissons et Poitiers, 13 à Narbonne et 15 à Ajaccio. 32-28 pour jouer avec nous au tube de la brosse à dents RTL 2. Et pour gagner 300 euros de chèque Cadeos. 32-28, ça se passe maintenant. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor, and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you used to. Knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it. She want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new. Soaking on into my set sheets. But you ready to ride? I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit should begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get. Dans le double expresso RTL 2, 6h36. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Un winner trouvé ce matin sur ladépêche.fr. Voilà. Alors, ce que j'ai fait quand j'ai lu cette histoire et que j'ai vu la vidéo qui en découle. C'est censé, t'as froid, t'as peur? Hey, comédien. Alors, c'est l'effroi le plus total. Sur une vidéo qui a été diffusée sur YouTube, on voit un débutant de deltaplane qui s'appelle Chris Gursky, qui est youtubeur, qui a décidé de vivre le grand frisson et de partir faire du deltaplane avec, avec son professeur. Génial. Alors, tu vois, ils sont en Suisse, ils sont tranquilles, ils disent, ouais, on va voler. Bon, ok, très bien. Bon, déjà, pourquoi faire ça, hein? Moi, je comprends. Si, amateur de sensations fortes. Non, si, Greg. J'ai peur, j'ai le vertige. Oh là là. Oh, il est peureux. Bon, tout semble se passer à merveille sur les premières secondes, et puis, comme c'est filmé, d'un coup, juste après le décollage, on voit ce bon Chris s'accrocher, mais alors très fermement à son enseignant. Et lui, il se rend compte, là, l'enseignant, qu'il a oublié d'accrocher Chris. Oh, l'enfer. Oh là là.

my life. I worked like my bones. At the end of the day, I take home my to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, find me somebody to love, love, love, find me somebody to love, find me somebody to Somebody to love sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Bonjour Laurent. Bonjour Grégory. Bonjour Justine. Salut Laurent. Ça va bien ? Très bien, et vous-même ? Bah ouais, bien. Vous nous appelez de Crépy-en-Valois, ça se trouve où ? Ouais, c'est ça. Pas très loin de Senlis, le péage de Chamont. D'accord. Peu plus connu. Très bien. De Paris. Ok. J'espère que tout va bien pour vous ce matin. Tout peut aller mieux dans quelques secondes. Peut-être que vous allez basculer. Peut-être que votre vie va changer, Laurent, ce matin, parce que vous allez faire la rencontre d'un homme exceptionnel. Un homme légendaire. Cet homme, c'est Bruce Springsteen. Salut, Bruce. Oh yeah. Bonjour, les pop-rockers. Jamais imité, jamais égalé. Ici, le roi du Bruce. Du Bruce and Roy. Ici, Bruce Springsteen. Ouais, bonjour, mon Lolo. Ça va la forme? Oui, très bien. Bonjour, Bruce. Super. T'es chaud, comme une barquette de frites, comme on dit. Ah ouais, je suis tendu. Super. Non, Bruce, t'es chanteur, t'es pas animateur. Ouais, je fais tout. Oh, il est les deux. Ouais, il fait la totale. Bon, vous pouvez gagner 300 euros de chèque cadeau Cadeos. Il y aura également des chocolats de Neuville. Une très belle composition pour vous. Attention à vous découvrir la chanson chantée par Bruce. Allez. Vous fiez pas au dernier ou, c'est pas celui auquel on pense. Alors, c'est un sexe symbole. C'est sa dernière chanson. Allez. Ah non, c'est pas Prince, c'était Lenny Kravitz avec Low. Christ for falling in the fire again. Ah mince Laurent, on est désolé. Flûte. Bon, on va quand même vous offrir un DVD pour toute la famille. Et puis, le DVD de l'envol de Chloé. Voilà, un beau dessin animé, un film d'animation. Et puis, on vous offre le mug du Double Expresso RTL2. On vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Vous en jouez quand vous voulez, Laurent. On vous embrasse. Et merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Laurent? Double Expresso. Low sur RTL2. Le double expresso RTL2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. Il est là, Jonathan O'Donnell. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Bah ça va bien, je te présente Justine. Oui, plein de femmes, bonjour. Enchanté, bonjour à tous. Jonathan, l'équipe. Bonjour. Très heureux de faire votre connaissance. Bonjour. Allons-y pour le top 3. Allez, je vous emmène en Inde. Le premier hôpital pour éléphants a ouvert ses portes dans la ville sacrée de Mathura. Nouveauté. Pour rassurer les jeunes patients, des peluches d'êtres humains seront mises à leur disposition. Oh, il est trop mignon. C'est le cadeau de bienvenue. Ça, c'est rigolo. On file en Pologne. 160 kilos de cocaïne ont été retrouvés dans des cajots de bananes provenant de l'Équateur. T'es rassuré, Greg? De quoi? Ah, t'es pas le seul à utiliser le mot cajot sur cette planète. Allez, mettez-moi une demi-livre de banane. Allez, ça veut dire. Tu veux dire quoi, une cagette? Tu fais ça chez le primeur, toi. Une demi-livre. Un petit commerce de bouche. Je sais même pas combien ça représente, mais bon. Un cajot, c'est une planche de bois. Enfin, arrêtez, vous êtes. Mais vous vivez vraiment dans des tours d'ivoire, mais c'est horrible. Une info insolite pour terminer. Une femme de ménage grecque purge une peine de 10 ans de prison pour avoir falsifié son nombre d'années d'école primaire. Oh, c'est triste. Ça, j'ai trouvé ça incroyable.

réveil avec le double expresso RTL2. Je ne la tiens plus, ma Juju. Et j'ai osé la rime. Je ne la tiens plus. Je ne la tiens plus. Écoutez ça, vous allez comprendre. Vanessa Paradis, ah oui, est venue nous voir un vendredi matin dans le double expresso RTL2, son nouvel album et puis également le concert très très privé. Parce que RTL2 est la meilleure des radios du monde, donc fait un concert très très privé avec Vanessa Paradis. Concert très très privé, donc il y aura vraiment une poignée de gens. Et pour gagner les dernières places, comment il vous suffit d'aller suivre le compte Instagram d'RTL2. C'est tout. Il va y avoir un tirage au sort de fait. Ok, voilà. Donc vous allez sur le compte Instagram d'RTL2, pas du double expresso, mais allez suivre sur aussi, le double expresso. Vous pouvez. Et si vous suivez RTL2, et bien bim, derrière, vous êtes invité au concert très prévu si vous êtes tiré au sort, hein, je précise. Ça coûte rien. Allez hop, vous allez suivre. Vite. Ah, elle nous engueule pas. Quoi. Ouais, on prend des ordres. Impeccable. L'info expresso va arriver dans le double expresso. Ça tombe bien. Je vais vous dire quand est-ce qu'il faut installer votre sapin chez vous. Ah, la bonne date. Débat. La date idéale. Et on est le 28 novembre. La réponse se cache peut-être dans quelques jours. Bon début de journée. C'est RTL2. The News, la BO de Retour vers le futur, évidemment The Power of Love sur RTL2. On va jouer à la banque, la première de la journée, la banque RTL2 à 7h45. Hein, vous nous appelez 3228, très simple, sinon un SMS, le mot banque au 74 900, pour gagner par exemple des séjours au domaine des Portes du Soleil et jusqu'à 10 000 euros encore. Exactement, ça peut être 500, 1000, 2000, des smartphones, bref, les coffres sont pleins. C'est maintenant que vous appelez Clara, 3228, sixpence, none the richer. Kiss me, qu'on pourrait traduire par fais-moi un petit bisou. Ou un gros bisou même. Fais-moi un gros poutou.

7h17, vous êtes dans le Double Expresso RTL2. Bonjour à tous, bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. C'est la Saint-Jacques de la Marche. Ah oui. D'accord. Non, pour faire l'appel, c'est pas Saint-Jacques de la Marche, présent. C'est long, hein. Bon. Il l'a bien préparé celle-là. On va parler de Noël dans quelques secondes sur RTL2. The Reacher, Kiss Me sur RTL2. L'info expresso RTL2. Alors, les sapins de Noël, c'est parti. À quelle date, c'est la question de l'info expresso du jour, à quelle date devrait-on installer le sapin de Noël? Bon, chacun fait comme il veut. Déjà, soyons très clairs, nous ne sommes pas là pour vous dire exactement comment faire. Mais je suis rassuré. Ce sont deux conseils, deux choses, deux traditions, si vous voulez, qu'on peut suivre. Alors, on en a parlé il y a quelques jours, c'est toi qui en avais parlé d'ailleurs, Justine. Plus on se lance tôt dans les décos de Noël, plus on se sent bien. Oui, voilà, ça c'est une vérité. C'est donc pas étonnant que certains d'entre nous décident de sortir le sapin de Noël dès novembre. Mais si l'on préfère faire comme tout le monde et attendre un petit peu, il y a deux dates. C'est le site Métro qui révèle en effet qu'une première tradition consiste à décorer son sapin et à l'avoir à la maison 12 jours avant Noël. 12 jours, d'accord. Comme ça, soit donc le 13 décembre. 25-12, 13 décembre. Après, il y a une deuxième tradition... Et j'avoue que je fais partie de ceux qui ont cette tradition-là, veut que l'on dresse son roi des forêts au commencement de l'Avent, le fameux calendrier de l'Avent, d'accord, A-V-E-N-T, c'est-à-dire le quatrième dimanche qui précède Noël. Cette année, ça tombe le 2 décembre, donc ce dimanche, ouais, c'est ce que j'ai prévu de faire ce dimanche. Pareil, Jérém ? Pareil. Pareil. Les papas hein, Je suis pas prête moi, mais je vais tenter. Je suis pas prête. T'as besoin de te préparer psychologiquement, bah oui, je veux dire. Si c'est pas ce week-end, ce sera celui d'après. Voilà, mais nous, la tradition chez les HR, c'est le premier week-end de décembre. Mais vous, il y a un débat familial. Moi, c'est moi et moi. Il y a peu de débat, c'est le chef là. Oh, ça Ah non, pas commencer à demander aux petites têtes blondes là, oui. Scénario. C'est qui le patron là, hein. Kellogg's, toi. Allez, hop, on envoie la musique. Bon, bah voilà, vous faites comme vous voulez, mais vous nous le posterez, votre sapin. Hein, ah oui. Un concours de sapin sur la page Facebook du Double Expresso RTL. De voici Calogero. Je transporte tes lettres, tes rêves dans les étoiles. Je suis facteur du ciel pour l'aéropostale. Je regarde le monde depuis mon appareil. C'est beau comme vu d'ici, on a tous l'air pareil. Je rêve dans mon ciel. Expresso RTL de Volée de Nuit, il est actuellement en pleine tournée en France. Ça se terminera au Zénith de Lille le 8 février prochain. Il sera à l'Olympia du 20 au 24 janvier. On y va pour l'horoscope. C'est parti, Justine. Médaille de bronze, les taureaux. N'attendez pas que les choses viennent à vous. Faites le premier pas. Les cancers. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et les lions. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous êtes à fleur de peau. Passons maintenant médaille d'argent avec les béliers. Et vous êtes né sous une bonne étoile. La chance vous sourit. Les gémeaux. Toutes vos relations se déroulent sans encombre. Les vierges. Vous êtes quelqu'un de sincère. Vos proches apprécient beaucoup cette qualité. Les balances. Aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Profitez-en. Les scorpions. Votre bonne humeur est communicative. Un vrai rayon de soleil. Les sagittaires. Vous vous appliquez beaucoup dans votre travail. Vos efforts vont finir par payer. Les capricornes. Votre pouvoir de séduction sera votre atout de la semaine. Les poissons. Vous êtes raisonnable, mais vous savez vous lâcher quand il faut. C'est parfait. Et alors, la médaille d'or du jour, elle est pour ? Pour les Verseaux, ultra dynamique et volontaire. Rien ne vous arrête, alors foncez. LSD à suivre. C'est sans doute la chanson de cet automne. Top the Clouds, il y aura ma chanson du jour. On écoutera également Muse. Et puis 32-28 pour jouer à la banque RTL2. Vous pouvez gagner beaucoup de belles choses. En ce moment, c'est des séjours de ski au ski sur le domaine des Portes du Soleil. Et jusqu'à 10 000 euros sur RTL2, je précise. RTL2.

Le vent va continuer de souffler en rafale jusqu'à 70 km/h attendu sur les côtes de la Manche et sur la pointe bretonne. Plus au sud, le ciel sera plus lumineux avec quand même quelques passages nuageux. Enfin, on attend de belles éclaircies sur tout le pourtour méditerranéen et sur la Corse. Les températures, il fait 4 degrés à Strasbourg ce matin, 5 à Agen, 6 à Valenciennes, 9 à Paris, Belle-Île-en-Mer, Bonifacio et 12 à Antibes. Cet après-midi, on attend 7 degrés à Bourg-en-Bresse, 11 à Grande-Synthe et Vichy, 13 à Bastia, 14 au Mont-Saint-Michel et 15 à Auch. Jusqu'à 9h, c'est le double expresso RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Cloud sur RTL 2. RTL 2, la chanson du jour. On y va avec un groupe qu'on n'a jamais diffusé sur RTL 2. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir entendu ce groupe-là sur notre antenne. U2. Ah bah non. Ça vous dit quelque chose ou pas? Vraiment de nom. Ouais, de loin. Bon, sur l'album Out Dimension Atomic Bomb, c'était en novembre 2004, c'est la chanson Vertigo qui a quand même gagné 3 Grammy Awards en 2004, meilleure chanson rock, meilleure performance rock et meilleur clip. C'est une de mes chansons préférées de U2. Je trouve qu'elle est absolument dingue. Elle envoie, tu vois, on peut le dire. L'intro est magnifique, on va l'écouter en quelques secondes. Ça raconte en fait le sentiment de vertige qu'avait rencontré Bono en soirée dans une boîte de nuit très haut de gamme, une boîte de nuit luxueuse. Et il disait, je cite, « Les boissons ont pris d'un bar, d'un pays du tiers-monde, le grand capitalisme tout autour. C'est un sentiment de vertige qu'on a en réalisant qu'on est ici en buvant, mangeant, polluant, nous escroquant nous-mêmes jusqu'à notre mort. » La prise de conscience de Bono a donné cette chanson absolument incroyable qui est Vertigo, qui est ma chanson du jour sur RTL 2.

Pour ceux qui étaient avec nous pour l'Info Expresso tout à l'heure, on parlait de la date idéale du sapin. Oui. Hein, premier week-end de décembre, si on veut. C'était il y a une vingtaine de minutes. C'est sur RTL2.fr, enfin, la page Facebook de l'émission. En fait, les 25 ans du sac à sapin. C'est vachement important. C'est hyper bien. C'est pour aider Handicap International. Et plus de 10 millions ont été vendus pour l'assaut. Bonne action pratique, allez-y. Voici Muse sur RTL2. Bonjour. Fragments and scattered debris. Fall down alone, went to count it out. Pop me up before I black out. Withdraw before you're out of time. A clean slate and guettez les deux titres de Muse à la suite pour aller les applaudir en concert avec RTL2 à Londres. C'est l'heure de la banque RTL2. Attention, c'est une machine à fantasmes qui arrive ce matin dans le double expresso RTL2. C'est Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Grégoire et bonjour Justine. Et salut Olivier. Je vais vous dire pourquoi vous êtes une machine à fantasmes. Parce que tout le monde m'a regardé dans le studio disant c'est bizarre comme présentation. Je veux savoir. Olivier a trois qualités exceptionnelles. Un, il habite près de Bordeaux. Donc déjà, près de Bordeaux, bravo, c'est magnifique. Il est à Margaux, comme les fameux vins, les châteaux Margaux, tout ça. Très bien. Première chose. Deuxième chose, Olivier est pompier. Pompier volontaire. Ok, là, d'accord. Et troisième chose, il est pâtissier. Ah, wow. Non, excusez-moi. Mais un bordelais, pompier, pâtissier, Juju. Et vous êtes marié? Ah, je suis accompagné. Oui. Bah oui, normal. Ah, bon, elle va pas chipoter, hein, ça va. Il dit ça déçu. Oui, bon, bah, je suis accompagné. Bon, bah. Ouais. Et j'étais pâtissier. Mais oui, j'ai gardé toutes mes recettes. Ouais, c'est ça, vous avez ça, encore le coup de main, si je peux me permettre. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Bon, je vous présente Justine Salmon, Olivier. N'importe quoi. Ah, Olivier, en tout cas, vous pouvez gagner ce matin, par exemple, des vacances, des MacBook Air, des tablettes, jusqu'à 10 000 euros à gagner. On vous souhaite bonne chance. Olivier, après tout le bien que j'ai dit de vous, là, la machine à fantasmes, le boys band du matin, va falloir triompher. Top chrono, une minute pour la banque RTL2, coffre 1. Une guitare. Ah bah voilà, parfait, j'habite Joba, hop, nickel, G-Squad. On fait quoi? Non, je garde pas. Bon, bah coffre 2. Ça va beaucoup trop vite dans ta tête. 300 euros. Oula, attendez, on devient sérieux. Ah, du cash, 300 euros. Je vais continuer un petit peu alors. Ah ouais, vous êtes sûr? Je vais continuer un petit peu. Oui. Ok. Allez. Allez, coffre ouvert. Ouais, ouais. Une guirlande de Noël. Pas mal ça. J'ai même les boules. Ouais. Et la grosse lance à incendie, on a compris. Coffre 4. Oh les gars. Et les pompiers. Ski sur le domaine des portes du soleil. Ah, le ski. 1180 €. C'est pour deux personnes. On est d'accord. Je garde. Eh bah bravo, vous partez aussi. Ouais, génial. Super, franchement super. Alors attendez, pardon Olivier, vous avez quatre qualités. Vous êtes bordelais, vous êtes pompier pâtissier, vous avez gagné un séjour au ski. Donc là. Et je de l'humour. Bon bah l'homme parfait, vous allez pouvoir accompagner votre amoureuse aux portes du soleil, un séjour pour deux personnes, donc sur ce fameux domaine. Hébergement 7 nuits, 6 jours, forfait, ski 6 jours sur les portes du soleil. C'était pas facile à dire. Non, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre suivant? Une console Nintendo Switch. C'était bien aussi, Je ne regrette pas. Hein. Bon, super. Ah, bravo. Eh ben, écoutez, Olivier, merci de votre bonne humeur, de votre sourire. Merci à vous. Hein. Avec plaisir. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée et. Merci. Olivier, gros bisous. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un double expresso. When I was young, it seemed that life was so.

Valable sur le lot de deux pizzas Sodebo, jambon et mental ou quatre fromages, dont une offerte. Transformée en France, 940 grammes, soit 2,61 € le kilo. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonjour les copains du mercredi. Il est 8h, vous êtes sur RTL 2. Ne sont pas quel programme, Nirvana et Imagine Dragons après vos infos avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Les Gilets jaunes maintiennent la pression. La rencontre entre deux porte-paroles du mouvement et le ministre de la Transition écologique François de Rugy n'a pas abouti. Les représentants des automobilistes appellent toujours à manifester samedi prochain à Paris sur les Champs-Élysées. De son côté, la ministre des Outre-mer Annick Girardin est atterrie ce matin à La Réunion. Sur place, les Gilets jaunes appellent à bloquer totalement l'île aujourd'hui. Hier, déjà une quarantaine de routes ont été coupées. Une information judiciaire ouverte à Marseille. Le parquet a ouvert hier une enquête contre X pour homicide involontaire aggravé par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité. Cela fait suite à la mort de 8 personnes lors de l'effondrement de 2 immeubles du centre-ville au début du mois. Les habitants pointent du doigt la municipalité. Depuis 3 semaines, la mairie procède à des évacuations en série. Près de 1500 personnes qui vivaient dans des logements vétustes se retrouvent sans domicile fixe. Des salariés qui renoncent à leur arrêt. Près d'un arrêt maladie sur 4 n'est pas suivi par les employés. Soit il reprend avant, soit il ne s'arrête pas du tout. Les cadres et les dirigeants sont les plus concernés. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'assureur Malakoff Médéric publiée ce matin. L'étude révèle par ailleurs que cette année, 34% des salariés du privé ont été absents au moins un jour pour raison de santé. Les seniors sont particulièrement touchés par les arrêts de longue durée. À l'étranger, toujours plus de tensions entre Kiev et Moscou. Le président ukrainien évoque la menace d'une guerre totale avec la Russie qui a capturé des navires ukrainiens en mer Noire. De son côté, Donald Trump menace d'annuler sa rencontre prévue en fin de semaine avec Vladimir Poutine au sommet du G20. Ce sera en Argentine. Les sports en football, Lyon prend son mal en patience. Hier, l'OL a fini sur un nul. 2-2 face à Manchester City lors de la 5e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les Lyonnais joueront leur qualification pour les 8e lors de la dernière journée. Ce sera le 12 décembre dans deux semaine face au Shakhtar Donetsk. Le Real Madrid, le Bayern Munich, la Juventus de Turin, l'AS Rome et les deux Manchester sont d'ores et déjà qualifiés. Ce soir, Monaco se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid à 18h55. À 21h, le PSG reçoit Liverpool. La météo, le temps restera perturbé aujourd'hui sur la moitié nord du pays avec un ciel encore très couvert et des pluies faibles tout au long de la journée. Le vent va aussi continuer de souffler en rafale jusqu'à 70 km/h attendu sur les côtes de la Manche et sur la pointe bretonne. Plus au sud, le ciel sera un petit peu plus lumineux avec quand même quelques passages nuageux. Enfin, on attend de très belles éclaircies sur tout le pourtour méditerranéen et sur la Corse. Les températures remontent doucement. 3 degrés ce matin à Mulhouse et à Clermont-Ferrand. 7 à Compiègne et Sartène. 9 à Arcachon et Menton. 13 à Landerneau. Cet après-midi, on attend 7 degrés à Nancy. 11 à Cambrai, 12 à Paris. 13 à Nîmes et 15 à Nice. 8h03, bonjour à tous. Hello Juju. Et bonjour Greg, bonjour tout le monde. Téléphone, Nirvana et Imagine Dragons. Quel trio, et c'est sur RTL 2. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until it bleeds out of wood without the peace, face a bit of the truth. feet beside me. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna. Imagine Dragons Natural sur RTL2. Grégory Achère et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL2. Et oui, nous sommes là pour vous accompagner en ce mercredi matin. Quel plaisir de partager cette journée avec vous. Bon courage. Quoi qu'il se passe, vous alliez au boulot, vous gériez les enfants aujourd'hui, ça va être une belle journée, n'est-ce pas Justine? Très belle journée, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous en plus, pour tout le monde. Sachez que les préservatifs, ça y est, enfin, vont être remboursés. Ça me paraît normal. Oh oui! La ministre de la Santé l'a annoncé hier, bah oui, ça paraît normal, mais c'était pas le cas. Bah, je sais. Parce que les préservatifs. Les enfants, voilà. Deux, trois. Oh, les capotes, les préservatifs, oui, voilà. Les capotes étaient mises à disposition dans les festivals gratuitement, pas ouais. Mal, l'été, etc. Mais en pharmacie, en grande surface, c'est encore très élevé, c'est 40 centimes à peu près le préservatif. Donc là, grâce au remboursement, ça va coûter 8 centimes à peu près aux clients. C'est parfait, c'est très important et on peut en parler librement et on dit encore aux gamins qui nous écoutent, aux jeunes, aux ados, là, protégez-vous, tout le monde d'ailleurs, pas que, parce que il y a malgré tout une recrudescence encore du sida, c'est pas parti, il faut toujours se protéger et la maladie court toujours, donc protégez-vous, c'est essentiel sans faire le père moralisateur. Voilà. C'est très important, je vous précise juste que c'est à partir du 10 décembre et ce sera sous ordonnance. La prochaine étape, ça serait pas mal que on va pas faire un sujet de société, mais qui rembourse également tout ce qui est serviette hygiénique ou produits féminins. Je te confirme. Vois, je suis pas personnellement concerné, mais je trouve ça du coup extrêmement choquant que ça ne le soit pas. C'est quand même c'est un vrai. Budget. Bon, allez, hop, Nirvana dans le double expresso RTL2 après cette petite page sociale. My girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night?

dreams. Darling, I look about the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love, I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy, I just really wanna move on. Things gonna be Il sera en concert demain et vendredi au théâtre Déjà Zé à Paris. Je vais me battre pour trouver une place. Oh là là là là, t'es forte. Je suis mytho surtout. Ouais, c'est téléphone avec Jean-Louis Aubert. Quelque chose en toi. téléphone, ça c'est vraiment toi sur RTL2. L'info expresso RTL2. Alors, il faut éviter le gaspillage, hein, Justine. C'est important, on a l'âme écolo en ce moment et avec tout ce qui se passe, c'est de plus en plus important chaque jour d'en parler. On en parle tous beaucoup et heureusement même. Ouais. J'ai trouvé cette info sur lebonbon.fr. Si quand vous faites vos courses, vous en achetez toujours trop et vous êtes comme moi, vous ne savez plus quoi en faire, ça va se périmer demain, on ne sait pas quoi faire. Eh bien, j'ai trouvé une solution pour votre porte-monnaie et pour l'environnement. Le site s'appelle pagachei.com. Je parle comme ça exprès, ça s'écrit pagachei.com, vous aurez compris le jeu de mots. Avec pas gâché. Tout à fait. Pas gâché. C'est une carte interactive où vous pouvez poster des petites annonces pour vendre ou pour acheter des produits alimentaires partout en France. Plutôt que ça traîne dans le frigo, on les revend. Voilà. Les annonces restent éphémères, donc 1 à 3 jours, pour pas que les produits soient périmés, bien sûr, c'est le but. Donc s'il vous reste des yaourts, des bouteilles de jus d'orange, des boîtes de conserve, vous pouvez les vendre ou les acheter à tout petit prix. Par exemple, moi j'ai regardé sur le site, je l'ai utilisé, c'est très pratique. Près de chez moi, j'ai une cagette de bananes pour 2 euros et une pizza à 1 euro. Si je veux manger une pizza ce soir, hop, 1 euro. Pas mal. Bah, c'est pas mal, c'est économique, c'est écologique. Sinon, vous louez les services de mon fils. Il mange tout ce qui traîne, c'est bouffe tout. Je comprends pas. Et moi, quand j'ai trop de choses, je les ramène ici à la radio. Je sais que vous terminez tout le matin direct. Oui, oui. Moi aussi, je fais ça, c'est vrai. Bah, on va faire ça, ramener tout dans le frigo du Double Expresso RTL2 aussi, tiens. En tout cas, je vous poste le site sur la page Facebook du Double Expresso RTL2 avec le lien de la carte. Allez voir, c'est vraiment chouette. 4 centuries pour le son pop rock. Voici Siren's Call. On vous souhaite un excellent mercredi matin sur RTL2. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the siren's call. Centuries et Siren's Call dans le Double Expresso RTL2. Il est 8h26, bienvenue, merci d'être avec nous. Allez, c'est l'heure de l'horoscope, médaille de bronze avec les taureaux. N'attendez pas que les choses viennent à vous, faites le premier pas. Les cancers. Allez, ne soyez pas trop durs avec vous-même.

ainsi que son compagnon. Le jugement sera rendu aujourd'hui. Le parquet de Paris a requis 8 000 € d'amende à son encontre. La France va devoir rendre au Sénégal ses œuvres d'art. C'est ce que réclame le ministre sénégalais de la Culture. La semaine dernière, déjà, Emmanuel Macron a promis de restituer 26 œuvres au Bénin. Elles avaient été volées par l'armée française en 1892. Le chef de l'État qui a par ailleurs commandé un rapport sur le patrimoine d'art africain. IKEA rappelle 45 000 tables défectueuses. Il s'agit du modèle extensible Glivarp, commercialisé début 2017, vendu pour 249 €. 6 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement à la suite de problèmes avec la rallonge. Allez, on passe au foot et Lyon reste en course pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. L'OL a fait match nul 2-2 hier soir face à Manchester City. Pour se qualifier, il devra l'emporter ou bien finir sur un nul. Ce sera dans 2 semaines face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Ce soir, Monaco se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid et le PSG reçoit Liverpool à 21h au Parc des Princes. On passe à la météo. Le temps restera perturbé encore aujourd'hui sur la moitié nord du pays avec un ciel très couvert et des pluies faibles tout au long de la journée. Le vent va aussi continuer de souffler en rafale jusqu'à 70 km/h attendu sur les côtes de la Manche et sur la pointe bretonne. Plus au sud, c'est mieux. Le ciel sera un peu plus lumineux avec quelques passages nuageux. Enfin, on attend de très belles éclaircies sur le pourtour méditerranéen ainsi qu'en Corse. Les températures. 4 degrés ce matin à Strasbourg, 6 à Douai, 7 à Grasse et à Aléria, 9 à Paris et Pau, 13 à Quiberon. Cet après-midi, on attend 8 degrés à Grenoble, 10 à Aurillac, 12 à Avignon, 13 à Deauville et Bastia et 14 à Brest. 33, c'est le double expresso RTL2. Le winner du jour arrive, Justine. Et si votre niveau d'anglais se rapproche de celui de Jérém, notre réalisateur, notre prochain winner va vous donner encore plus de complexes. Il a beaucoup progressé, Jérém. Beaucoup, c'est vrai. Grâce au cours de English lesson, oui. T'es quasi bilingue. Clairement. Voici Michael Jackson avec Black or White sur RTL2. My life being a color. Whatever you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Black or white. of Pop, Michael Jackson, Black and White sur RTL2 à 8h36. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Alors un winner, Justine, qui parle plusieurs langues, c'est ça? Jérémy a tenté le English lesson, hein? On l'adore, ce winner. Ce winner, je l'ai trouvé sur CNews. Il s'appelle Tush Salix. C'est un jeune Cambodgien, il a 14 ans. Ouais. Et malgré son jeune âge, alors Jérémy, désolé, mais il parle plus de langues que toi. Il parle 15 langues. Wow. Ah ouais. Donc il parle l'anglais, le français, le japonais, le philippin, le mandarin, entre autres. Voilà, une maîtrise assez impressionnante qu'il explique par sa volonté d'aider sa famille. En fait, après ses cours au Cambodge, il va devant les temples d'Angkor, et il a pris l'habitude d'aller vendre des objets devant les temples. Donc il y a énormément de touristes devant les temples d'Angkor. Donc du coup, il parle avec toute nationalité. Du coup, il a appris à parler comme ça. Oh ouais. Tush... Et il a appris à négocier du coup aussi. À négocier aussi. Forcément. Tush Salig, il est devenu célèbre grâce à Internet, grâce à une de ses vidéos avec ses exploits linguistiques, donc publiés sur les réseaux sociaux. Et grâce à tout ça, il a récemment été invité en Chine, et la Croix-Rouge cambodgienne s'est engagée à lui payer sa scolarité. Oh, c'est bien, j'aime bien quand ça se finit comme ouais, ça. Et pareil pour son petit frère de 10 ans qui lui aussi est déjà polyglotte. Oh, j'aime bien ces petites histoires, moi. 14 ans, à 14 ans, je commençais toutes mes phrases par wesh. Donc, c'est autre chose que les 15 langues. Hein. J'ai honte, mais. On vous passe ce winner sur la page Facebook du Double Expresso RTL2. Allez, non, Jonathan va t'inscrire avec Jérémy. Toi. Ouais. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God. And he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. Dans le double expresso RTL2 à 8h40. Lui aussi, il a été dans un boys band dans sa jeunesse, c'est Jonathan Donnel. Enfin, je crois, il me semble, hein, c'était marqué sur ton CV quand on t'a recruté. Oui, enfin bon, c'est. C'était un mensonge ? Non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est. On t'a c'est... pris pour ça. Ah bon ? Oui. Pour les photos. Hein. Ah, d'accord, parce que sinon, je chiffonne l'actu aussi. Ah oui. Ah oui, c'est le top 3 de l'actu à 8h55. Ça sera tout à l'heure. Bon, il y a. Carole Fagnon Cannibals.

8h46, nous allons jouer à la dernière banque du jour, 32-28. Appelez-nous ou vous envoyez un SMS, le mot banque, au 74-900. Voilà, ouais, je rigole tout, complètement toute seule. Bah, c'est la fatigue, c'est les nerfs, oui. Tu lâches, tu craques. 32-28 pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Pourquoi pas 500, 1000, 1500, des séjours au ski également, des smartphones, d'autres séjours. C'est après les Funyuns Cannibals, She Drives Me Crazy sur RTL2. Sur RTL, She Drives Me Crazy, quasiment 9h10. C'est l'heure de la banque RTL 2. Et Léopoldine est parmi nous. Bonjour Léopoldine. Bonjour Grégory, bonjour Justine. Salut Léopoldine. Ça va? Oh bah ça va super. J'imagine qu'on vous appelle Léo. Non, pourquoi Léo? Non, bah non, mais bah parce que c'est le surnom de Léopoldine. J'ai une copine qui s'appelle comme ça, on l'appelle Léo, simplement. Ah bah voilà, c'est la norme. Pardon, excusez-nous. Alors voilà, pardon. J'avais oublié de vous préciser, évidemment. Bien sûr, ma Juju. J'avais oublié de préciser qu'à partir du moment où c'est utilisé par Justine Salmon, c'est la norme en France. Hein, tu le sais. C'est comme les normes CE, les normes NF. Voilà, bah c'est la norme JS. Vous avez un très joli prénom, en tout cas. Magnifique. Merci, vous êtes à Turé, c'est pas très loin de Poitiers. C'est ça? Oui, bon. À côté de Châtellerault, ouais. Vous êtes au travail? Non, je suis chez moi. Non, vous êtes chez vous. Vous allez vous occuper des enfants ce mercredi? Voilà, c'est mon mercredi pour être avec les enfants. Oh, mais c'est bien ça. Et alors, vous allez faire quoi? C'est quoi mercredi avec les enfants? Alors, cet après-midi, c'est les activités, c'est la danse. Ah, c'est la danse, forcément. Bon, bah très bien. Écoutez, on va vous souhaiter déjà comme activité de réussir à échapper au coffre vide et pouvoir gagner jusqu'à 10 000 euros. Des séjours au ski, des smartphones, plein de belles choses. Attention, top chrono de minute pour jouer. Voici le coffre 1. Un séjour à Aix-en-Provence avec weekendesk.fr. Week-end en amoureux? Non, je suis désolée, je vais passer. Bah, soyez pas désolée, c'est votre choix, coffre 2. Une console Nintendo Switch. La Switch? Ah! 300 euros, 309 euros exactement. Ah, bon, allez, je passe, elles en ont déjà une en plus. Oh, alors n'hésitez pas, coffre 3. Un lecteur DVD. J'en ai un aussi. Coffre 4. Les aiguilles à tricoter de Justine. Ah, aux normes. Toutes neuves. Aux normes JS également, vous êtes sûr? Bon, bah, coffre 5. Un iPad. Ah, l'iPad, il est là. Hein. 400 euros. Bah, je vais le prendre, l'iPad. On prend l'iPad? 409 euros. Il y a peut-être mieux derrière, il y a peut-être moins bien, je sais pas. Comme vous voulez. 10 secondes. Je prends l'iPad. Allez, bravo, c'est gagné. On sent l'expérience des Léopoldine, de l'auditrice fidèle qui fait combien de temps il reste 10 secondes. Mais attendez, hein, il peut y avoir des très beaux cadeaux. Les 10 000 euros sont tombés à 3 secondes de la fin l'autre fois avec Lara, notre gagnante. J'ai trop peur. On va voir ce qu'il y a dans le coffre suivant. Un appareil photo vintage Canon. C'était bien aussi. Pas de regrets. Bon, vous avez été maline. Bravo Léopoldine, on vous embrasse, vous, les enfants, la famille, tout le monde. Merci de votre gentillesse, de votre fidélité. Bravo pour l'iPad. Et Léopoldine, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Sur RTL2. Le double expresso RTL2, le top 3 de Jonathan O'Donnell. On peut commencer à prendre ses billets pour aller l'applaudir. C'est dimanche au Théâtre Saint-Martin à 18h30. C'est exactement ça. Je rigole déjà. Tu vois, je suis déjà dans l'ambiance de la salle. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Bon. Venez. Exactement. Je serai content de vous avoir dans la salle. Allez, on y va pour le top 3. Allez, on y va. En filant sa voix, un mineur a été arrêté à Chambéry au volant d'une voiture avec 4 passagers à son bord, dont 2 dans le coffre.